Winston sur RJM, 8h36, tout juste passé de quelques secondes, et on parle anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 14 septembre 1936, naissance de Walter Koenig, acteur américain connu pour avoir incarné le personnage de Pavel Tchekov dans la série Star Trek, ainsi qu'Alfred Bester dans la série Babylon 5. 1947, naissance de Sam Neill, acteur irlandais vu dans La Leçon de Piano, Jurassic Park 1 et 3 dans le rôle du professeur Alan Grant, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux dans le rôle de Robert McLean, Je te promets, la mini-série Merlin dans le rôle de Merlin, ou encore la saison 1 de la série Les Tudors dans le rôle du cardinal Thomas Wolseley. 1959, naissance de Morten Harket, chanteur norvégien du groupe A-ha, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre Take On Me. Extrait du titre Take On Me du groupe Ha-ha. 1960, naissance de Melissa Leo, actrice américaine vue dans Conviction dans le rôle de Nancy, dans Oblivion dans le rôle de Sally, dans Le Majordome dans le rôle de Mamie Eisenhower, La Chute de la Maison Blanche ainsi que La Chute de Londres dans le rôle de la secrétaire à la défense Ruth Macmillan. C'est également l'année de naissance de Radames Perra, acteur américain connu pour avoir joué John Saunderson Edwards dans la série La Petite Maison dans la Prairie. C'est aussi l'année de naissance de Callum Keith-Rainey, acteur canadien vu dans Paycheck, L'effet papillon dans le rôle de Jason Treborn, Blade Trinity, 50 nuances de Grey dans le rôle de Ray Steele, dans la série télé Battlestar Galactica dans le rôle de Leo Ben Conoy, Smallville, 24 heures chrono ou encore Les Experts Miami. 1965, naissance de Michelle Stafford, actrice américaine connue pour son rôle de Phyllis Summers dans la série télé Les Feux de l'amour et vue également dans la série Hôpital Central dans le rôle de Nina Reeves Clay. 1970, naissance de Stephen Bishop, acteur américain connu pour son rôle de David Justice dans le film Le Stratège, vu également dans les séries Lost, Les Disparus, Grey's Anatomy ou encore Les Experts Miami. 1973, naissance d'Andrew Lincoln, acteur britannique vu dans Love Actually dans le rôle de Mark, comme Thiebel dans le rôle de Paul, l'arnaqueur dans le rôle de Jonathan ou encore la série télé The Walking Dead dans le rôle de Rick Grimes. 1975, naissance de Babak Najafi, scénariste et réalisateur iranien connu pour avoir réalisé le film La Chute de Londres. 1978, naissance de Charlie Winston, chanteur britannique. 1980, naissance d'Ayo, chanteuse allemande. 1981, naissance d'Ashley Roberts, chanteuse américaine qui fut membre des Pussycat Dolls, et on écoute tout de suite un extrait de leur titre When I Grow Up. What's going you sexy? What's up, sexy? And you don't care what they say. I see every time you turn around and scream your name. What's going you sexy? What's up, sexy? And you don't care what they say. I see every time you turn around and scream your name. Play the bone, no. Don't you? Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. I promised myself that I'd do anything. Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. You know what it's like to be nameless. Wanna know what your name is. Cause see, when I was younger, I would say, when I grow up. We'll be right back. Voilà pour l'extrait des Pussycat Dolls. On continue les anniversaires. 1984, naissance d'Adam Lambert, acteur américain connu pour son rôle de David Gordon dans la série télé Lizzie McGuire. 1988, naissance de Martin Fourcade, biathlète français. Je prends ma respiration pour vous énumérer son palmarès. Quintuple champion olympique, 7 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, 11 fois champion du monde, considéré avec Ole Einar Bjørndalen comme l'un des deux meilleurs biathlètes de l'histoire. Il est le seul à avoir remporté 7 fois le classement général de la Coupe du Monde en 2012, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, et qui plus est consécutivement. Il détient également le record de globe de cristal remporté, 31, de victoires sur une saison de Coupe du Monde, c'était 14 en la saison 2016-2017, du nombre de points marqués sur une saison de Coupe du Monde, 1322, c'était la saison 2016-2017 également, du nombre de podiums consécutifs en Coupe du Monde, c'était 23 de la fin de la saison 2016-2017 à l'avant-dernière course de l'hiver 2017-2018. Et donc aux Jeux Olympiques, on l'a dit, il compte 5 médailles d'or mais également 2 d'argent. Au championnat du monde, en plus de ses 11 médailles d'or, il compte 10 médailles d'argent et 4 de bronze. Et il a également à son palmarès 74 victoires individuelles en Coupe du Monde. Rien que ça. Allez, on continue. 1989, naissance de Jessica Brown Findlay, actrice anglaise connue pour son rôle de Lady Sybil Crowley dans la série télé Downton Abbey. C'est également l'année de naissance de Jesse James, acteur américain vu dans Une bouteille à la mer dans le rôle de Jason Osborne, Pearl Harbor, L'effet papillon, les séries télé Urgence, Angel, Monk ou encore Mentaliste. 1999, naissance d'Emma Kinney, actrice américaine connue pour son rôle de Debbie Gallagher dans la série télé Shameless. En 1982, décédée Grace Kelly, actrice américaine devenue princesse de Monaco, vue dans Le train sifflera trois fois dans le rôle d'Amy Fowler Kane. Le crime était presque parfait. Fenêtre sur cour dans le rôle de Lisa Carol Frémont. Une fille de la province dans le rôle de Georgie Elgin, qui lui avait valu l'Oscar de la meilleure actrice. La main au collet dans le rôle de Frances Stevens ou encore Haute Société, qui fut d'ailleurs son dernier film. En 2005, décédée Robert Wise, cinéaste américain qui l'on doit West Side Story, film pour lequel il avait obtenu l'Oscar du meilleur film ainsi que l'Oscar du meilleur réalisateur. On lui doit également La Mélodie du Bonheur, récompensé aussi par l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. On lui doit également Star Trek, le film, ou encore East Side Story. En 2007, on apprenait le décès de Jacques Martin, homme de télévision et de radio français qui a produit et animé entre les années 70 et 90 de nombreuses émissions de divertissement comme Le Petit Rapporteur, L'École des Femmes, des Fans, pardon, ou encore Dimanche Martin. Et en 2009, on apprenait le décès de Patrick Swayze, acteur et chanteur américain, connu bien évidemment pour son rôle de Johnny Castle dans Dirty Dancing, celui de Sam Witt dans Ghost, celui de Bodhi dans Point Break et vu également dans le film Jump. Et on écoutera d'ailleurs Patrick Swayze en fin d'émission, mais tout de suite on va écouter la chanteuse Ayo avec son titre Woo. Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Colors are fading. Come dark, and it won't stop raining. Everybody's gone, and my joy is sad. Craving for love and happiness. Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? looks like my life is on hold. My love for you won't change. I've pushed you away, though I still need you close. And my joy is sad, craving for love. Upside down. Tell me who can I cry to when there is no one around? Tell me who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give up to if I need to? Who? Who? Tell me who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give up? La chanteuse Ayo sur le 107FM, un peu plus de 8h48, et il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors ce matin, le ciel restera chargé nuages, mais les éclaircies devraient arriver au courant de cet après-midi. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés pour cet après-midi. On passera un week-end très ensoleillé avec pour samedi des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés prévus pour samedi après-midi. Et dimanche, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin et entre 23 et 25 degrés prévus pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de cyclisme avec la Vuelta. L'étape d'hier a été remportée par Wallès. Le premier français, c'est Thibaut Pinot, 33e, qui est d'ailleurs 9e au classement général. Un mot de volley avec les championnats du monde et la France qui était menée 2-7-0 hier par le Brésil est revenue à 2-7 partout avant de s'incliner au tie-break donc dans le 5e set et s'incline donc 3-7-2 face au Brésil. En basket, qualification pour le mondial, défaite de la France en Bulgarie 74-68. Un mot de tennis, tout d'abord avec le tournoi de Québec. Aujourd'hui, Pauline Parmentier affrontera Lepchenko et à partir d'aujourd'hui, eh bien, c'est le début de la demi-finale de la Coupe Davis, France-Espagne. On l'attendait notamment avec Rafael Nadal. Malheureusement, il ne sera pas là. Je vous rappelle que l'Espagnol est blessé depuis sa demi-finale à l'US Open. On connaît les affiches de cette demi-finale. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est Benoît Paire qui va ouvrir le bal face à Carreño Busta. Ensuite, on aura Lucas Pouille opposé à Bautista Agut. Et samedi, pour le double, ce sera, sans trop de surprise, Nicolas Mahut et Julien Beneteau face à Granollers et Feliciano Lopez. Et dimanche, si besoin, enfin en tout cas, on espère qu'on sera qualifié, mais on aura Lucas Pouille face à Carreño Busta et Benoît Paire face à Bautista Agut. Allez, un mot de football avec la reprise ce week-end de la Ligue 1 et on commence ce soir avec Nice-Rennes et PSG-Saint-Etienne. Samedi, Caen recevra Lyon, Amiens, Lille, Dijon, Angers, Montpellier, Strasbourg et Toulouse, Monaco. Et dimanche, Nantes recevra Reims, Bordeaux, Nîmes et Marseille recevra Guingamp. En Ligue 2 ce soir, Nancy reçoit Le Havre et Metz jouera lundi soir à Béziers. En National 2, samedi, Épinal Épinal se déplacera à Arras et ce week-end, Raon L'Étape jouera le troisième tour de la Coupe de France à Fléville. Et en football international, Hugo Lloris est toujours blessé, il devrait être absent plusieurs semaines. Et on termine avec du basket en National 1, match de préparation pour le Jet qui reçoit Kaisersberg. Et en National 3, début du championnat pour Mirecourt qui se déplace à Lemay. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec Patrick Swayze et le titre She Like the Wind. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. My face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Face. Your body close to me. Can't look in your eyes. You're out of my league. Just a fool to believe. Just a fool to believe. She's like the wind. Just a fool to believe. Just a fool. J'ai Like the Wind interprété par Patrick Swayze sur RGM, un peu plus de 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on va faire un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 9h. Un épisode d'Ours et Carottes, 13h30, la rediffusion de la chronique de Mathilde, 14h rediffusion de J'aime et je vous le lis avec Dominique, 15h rediffusion de Jazz Time qui nous vient de Radio Déclic, à 18h un billet de sortie, à 21h ce sera Mosaïque avec François et nous on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Profitez bien du soleil. Ciao, bye bye.